Monsieur Bull, toujours. Ouh. Écoute bien ce que je te dis. Il y a les contes de fées, il y a plein de contes différents. Mais Monsieur Bull, il te raconte les contes de la street. Négro. Écoute bien ce qu'il dit. Écoute, c'est sa fille en vibe, négro. Moi, je m'envole sous whisky. L'Afghan, c'est l'aéroport. Okay. C'est foutu comme un dealer qui vend une barrette au cops, ok. Ça fout la merde et ça me fait de la peine. Car c'est les mêmes qu'on arrête depuis qu'on amène au poste. La paresse me cogne, je roule une garrette au poste. Et pour un différent, la violence te caresse aux côtes. Un mal est trop gore, je veux des pom-pom girls. Parce que t'es hot dog en guise de bon moqueur. Tu vois le topo boy, quoi, on veut des polos neufs. Quoi, et les vendeurs de beurre rêvent que les bolos pleuvent. Vodka molotov, man, j'suis dans mon petit monde. Être marié c'est difficile, demande à papa Moulibou. Moi j'ai coulé mon navire et j'galère au radeau. Me relève de mes défaites parce que bouillon aura dos. Ok, j'ai le moral à moins 5 comme Bolek et Bacalao. Soirée coupe gorge, j'écoute boy. N'oublie pas ta lame, balance un double whopper. J'aurai un triple couplet. La réussite c'est fragile, sur une phase tu peux tout perdre. Va faire les poubelles, bolos fait ta vie. Si les armes sont métalliques et on loue pas les pénalties. On te vend de l'amour avec du porno en prime. On baisse des pétasses, on n'est pas trop romantique. Bon, c'est pas le moment de rire, j'ai toujours pas taf. Real time de lui dire bonjour bâtard. M'en fous de ta life et que tu vives dans un bloc crade. Je dépense mon argent en vacances avec John Frax. Arrogant comme Drogba, une vodka à la propare. Je vois la vie en vert et je porte pas de rose pâle. Une bouteille, une équipe en guise d'antidépresseur. La galère sacrée des liens et ses chants de traîner seul. Mon équipe attend la gloire sur la corde à linge. Moi j'ai des potes à l'asile et d'autres qui traînent la corde à vin. Ok, fuck the world man, moi j'ai la bonne team. En impro ou à la prod, casse des dalles, Bundy. J'ai infiltré mes amis et les petits frères dans ma mixtape. Roule un spliff d'herbe, y'a de la haine dans ma tristesse. Moi je veux le butin, bref, et que les putains crèvent. J'endors deux secondes le temps que je bute un rêve. Ok, j'ai coulé mon navire et je galère au radeau. Je me relève de mes défaites parce que bon y'en aura d'autres. Ok, j'ai le moral à moins 5 comme Bolek et Bacalao. Soirée coupe gorge, écoute boy, n'oublie pas ta larme. Ok, j'ai coulé mon navire et je galère au radeau. Je me relève de mes défaites parce que bon y'en aura d'autres. J'ai le moral à moins 5 comme Bolek et Bacalao. Soirée coupe gorge, écoute boy, n'oublie pas ta larme. Ok, skiff ma berne, skiff les vieux potos. Hein? Ah, quelle belle ville, négro! Okay.